Chapitre 29e. Cet entretien brisa les dernières attaches qui retenaient Adolphe. Le moment était venu de prendre une résolution définitive dans un sens ou dans l'autre, où il fallait renoncer à Juliette, où il fallait l'obtenir coûte que coûte et de haute lutte. Renoncer à Juliette, il ne le pouvait pas, car l'effet naturel de tous ses retards et de tous ses obstacles avait été d'accroître son amour. Maintenant, c'était une possession complète, une obsession de tous les instants. Il fallait donc qu'il posât formellement à sa mère la question du mariage. Il n'y avait ce dimanche-là que quelques convives à Nogent. Il attendit qu'ils fussent partis. Puis, quand sa mère eut refermé la cave aux liqueurs et transvasé en demi-bouteilles les bouteilles de vin dont on n'avait bu que quelques verres, quand elle eut remplacé dans les flambeaux et dans les candélabres des bouts de bougies à moitié brûlés par des bougies neuves, quand elle eut compté les nappes et les serviettes qui avaient servi au dîner, quand elle eut fureté partout, visité, vérifié chaque chose, jaugé de l'œil ou noté d'une marque particulière ce qui restait dans chaque plat, enfin, quand elle eut accompli sa besogne de tous les soirs, il la rejoignit dans sa chambre. « Tu n'es pas encore couchée, » dit-elle en examinant sa mine sombre. « Non, je me suis promenée dans le jardin en attendant que tu eusses fini. » « Par le brouillard qu'il fait ce soir, tu as eu tort. Tu n'as aucune précaution. »« Oh, maman, je ne suis plus un enfant. »« Malheureusement, car tu m'écouterais quand je te recommande quelque chose, et tu ne t'en trouverais pas mal. »« Je t'assure que je regrette beaucoup de ne plus être un enfant, car je n'aurais pas d'autre volonté que la tienne, et pour tous deux, pour toi comme pour moi, cela vaudrait mieux. »« Mais enfin, il ne peut pas en être ainsi. » Il arrive un âge où l'on a besoin de vivre d'une vie indépendante et personnelle. Où veux-tu en venir? Car tu ne me dis pas cela à propos de mon observation sur le brouillard. Je te dis cela à propos d'un entretien que j'ai eu tantôt avec Delabranche. C'est donc cela qui t'a donné ce visage contrarié pendant le dîner? C'est à peine si tu as daigné prononcer 2-3 paroles. Je réfléchissais. Et mes réflexions n'étaient pas gaies. Delabranche m'a appris qu'il s'était occupé d'un mariage pour moi. Il m'a dit qu'il t'avait soumis son projet qui n'a échoué que parce qu'on t'a posé des conditions inacceptables. Eh bien, en quoi ce projet de mariage peut-il te contrarier puisqu'il n'a pas abouti? Ce qui me contrarie, ce qui me blesse, c'est qu'on s'occupe de mon mariage sans savoir si je veux me marier. Que Delabranche prenne cette liberté avec moi, cela s'explique dans une certaine mesure. Il est notaire. Et il fait passer la question d'honoraire avant la question de convenance. Il n'a pas souci d'un bon mariage, il ne voit qu'un beau contrat. Dans les conditions d'intimité où nous sommes, c'est là un étrange procédé que j'ai relevé comme il le mérite. Monsieur Delabranche a agi dans ton intérêt. Il a cru agir dans mon intérêt, et c'est là son excuse. Mais toi, maman, tu n'as pas pu te placer au même point de vue que Delabranche. Delabranche n'a considéré qu'une chose, Mademoiselle Oudaille est jolie, elle a une grosse dot, sa famille est honorable, c'est une femme pour Adolphe. Voilà quel a été son raisonnement. Il n'était pas si mauvais. Il n'était pas mauvais pour quelqu'un qui me croyait libre, et c'était le cas de Delabranche. Ce n'était pas le tien, maman, et c'est là ce qui me peine. En quoi n'es-tu pas libre? Tu le sais très bien. Et il me semble qu'il n'était pas nécessaire de m'obliger à te dire que, connaissant mon amour pour Juliette, tu ne devais pas penser à me faire épouser Mademoiselle Woodaille. Je ne devais pas. Toi, tu me parles sur ce ton. Crois-tu que je n'en sois pas désolé? Mais à qui la faute? Devais-tu écouter Delabranche quand il t'a parlé de Mademoiselle Woodaille? Ah, si tu lui avais fermé la bouche, qu'elle n'eût pas été ma reconnaissance. Mais tu n'as pas pensé à ma reconnaissance, n'est-ce pas? Et tu n'as eu souci que de mon obéissance. Tu as cru que parce que tu m'aurais choisi une femme réunissant les qualités que tu désirais, je devrais l'accepter. Jusqu'à ce jour, je t'ai obéi dans tout ce que tu as voulu. Je devais donc t'obéir encore. Et j'ai jamais voulu autre chose que ton intérêt? Je ne dis pas le contraire. Seulement, il arrive un âge où l'on demande à vouloir soi-même. Quand, pendant ces dernières années, je voyais des parents s'obstiner à vouloir faire quand même le mariage de leurs enfants, Je me disais que je ne serais jamais exposé à ce danger. Alors, pensant à cela, j'étais fier d'avoir une mère telle que toi. Que son intelligence plaçait au-dessus des faiblesses et des travers des autres. Aujourd'hui, le désappointement m'est cruel de voir combien je m'étais trompé. Il parlait lentement, sans emportement, mais avec une amertume que Madame d'Alifard ne connaissait pas, et qui était d'autant plus éloquente que les efforts qu'il faisait pour se contenir étaient plus visibles. « J'aurais tant désiré, dit-il en continuant, trouver en toi, à propos de mon mariage, cette grandeur de vue et cette supériorité de jugement que tu montres dans tout. Et puis j'aurais été aussi bien heureux que ta tendresse maternelle t'éleva jusqu'à l'abnégation. » L'abnégation doit-elle aller jusqu'à te laisser épouser une femme qui n'est pas digne de toi? Oh, mère, ne parle pas ainsi. Tu sais bien que ce que tu dis là n'est pas juste. En quoi Juliette ne serait-elle pas digne de moi? Quel reproche a-t-on lui adressé? En dehors de son manque de fortune, quel grief peux-tu avoir contre elle? J'en ai de toutes sortes, que tu ne peux pas préciser. Quand ce ne serait que son genre de vie et sa liberté? Ses habitudes d'artiste ne sont pas d'une honnête femme. Quelle liberté! Tu sais bien que sa mère ne la quitte jamais. Pour moi, cela ne signifie rien. Les mères d'artistes, au lieu de protéger la pureté de leur fille, développent tout simplement leur habileté et leur fausseté. Pour tromper sa mère, on acquiert des qualités, si cela peut s'appeler des qualités, qui servent plus tard à tromper le mari. Nous ne pouvons pas engager de discussion à ce sujet. Je vois tout en beau dans Juliette, tandis que toi, tu vois en elle tout en mal. Quand j'ai commencé cet entretien, j'avais arrêté en moi-même de ne te dire que quelques mots, qu'il faut absolument que tu entendes pour empêcher des projets comme celui qui vient d'échouer, de se renouveler. Les voici. Madame d'Alifard se cachait la tête entre ses mains. Adolphe dut s'arrêter. Il n'avait jamais vu pleurer sa mère. Et il croyait que la douleur comme la joie passait sur elle sans la troubler. Quand, après un moment de silence, elle abaissa ses mains, elle montra ses yeux rougis. « Tu demandes quel reproche j'ai adressé à Juliette ?» dit-elle d'une voix plaintive. « Les voilà, mes reproches. Ce sont ces larmes qu'elle m'arrache par tes mains. Aurais-je jamais pensé qu'un jour tu me ferais pleurer et que tu pourrais me parler comme depuis un quart d'heure tu me parles? Tu sens si bien ton injustice que tu n'oses pas me regarder. Si tu en es déjà là maintenant, que serais-tu après quelques années de mariage? Si tu es blessé de mes paroles, de ton attitude plus encore que de tes paroles, car je reconnais que tu t'es efforcé de ne pas te laisser emporter. Mais c'est cette contrainte qui précisément m'épouvante en me montrant quels changements se sont faits en toi. Est-ce qu'autrefois nous aurions pu discuter ainsi froidement, l'un en face de l'autre, comme deux étrangers? Est-ce qu'autrefois tu ne serais pas venu m'embrasser? Il ne bougea pas. Autrefois, quand tu m'imposais ta volonté, dit-il, je cédais sans souffrir, parce qu'en réalité il m'était assez indifférent de prendre telle ou telle partie. Il suffisait que tu voulusses une chose pour que j'eusse plaisir à la faire. Les temps sont changés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que tu veux ne m'est plus indifférent. Et je résiste. C'est de ma vie qu'il s'agit. C'est de mon bonheur. Je les défends. Alors, comment tu trouves en moi une résistance à laquelle tu n'es pas habitué? Tu te fâches. Et au lieu de comprendre les raisons qui me déterminent, tu fais remonter la responsabilité de cette résistance à Juliette, qui en est innocente. Innocente? Oui, innocente. Tu crois peut-être que Juliette, séduite par ta fortune, m'attire un mariage pour s'enrichir. Je crois que Juliette est sensible aux avantages qu'il y aurait pour elle à devenir ta femme. Eh bien, tu te trompes, elle n'est point séduite par ses avantages. Madame d'Alifard fit un geste de doute. Je comprends que tu doutes. Cependant, les choses sont ainsi. La vérité est celle-ci, et je te jure que je n'exagère et ne cache rien. J'ai dit à Juliette que je l'aimais, et je lui ai demandé de devenir ma femme. Elle m'a répondu qu'avant de se prononcer, il fallait qu'elle fût certaine que tu n'étais pas opposé à ce mariage. Comme depuis ce moment ton opposition n'a pas faibli, Il n'y a pas eu entre elle et moi une parole d'échangée à ce sujet. Tu vois donc que ces accusations dont tu la charges sont injustes. Tu l'aimes, et c'est parce que tu l'aimes que je ne retrouve plus en toi le fils que j'ai élevé. Il est vrai que je l'aime, mais cet amour n'a changé en rien mes sentiments pour toi. En voici la preuve. Je pourrais te dire que je veux épouser Juliette, et que si tu ne consens pas à ce mariage, je ne subirai pas ta volonté. D'autres, peut-être, agiraient ainsi à ma place et se laisseraient entraîner par leur amour. Je ne me laisserai pas entraîner par le mien. Jamais je n'épouserai Juliette malgré toi. Mais jamais, si tu ne consens pas à me la donner pour femme, je ne me marierai. Voilà ce que je voulais te dire en deux mots lorsque je suis entré ici, et ce qui, de parole en parole, a été retardé jusqu'à présent. Je ne t'imposerai pas une belle fille que tu repousses, mais par contre, je te demande de ne pas m'imposer une femme que je n'aurais pas choisie. Que des tentatives comme celle que vient de risquer de Lavranche ne se renouvellent donc pas. J'épouserai Juliette ou je n'épouserai personne. Si tu ne crois pas pouvoir l'accepter pour ta fille, persiste dans ta résistance. Je subirai ta volonté sans me plaindre. Si au contraire, tu es touché par mon amour, si tu veux mon bonheur, si tu te laisses séduire par Juliette, nous te payerons en tendresse et en reconnaissance le sacrifice de tes projets ambitieux. Tu me disais dernièrement que ta vie était dans mes mains. Je te répète aujourd'hui la même chose, que ma vie soit ce que tu voudras, heureuse ou malheureuse. » Il fit quelques pas vers la porte, mais bientôt il s'arrêta et revint vers sa mère. « Quand j'étais petit et que tu m'avais grondé, tu venais m'embrasser dans mon lit. » Aujourd'hui, c'est moi qui viens t'embrasser. Adieu, maman. Bonne nuit.